Enchanté. Enchanté. Enchanté. Nice meeting you. Voici mon frère. Voici mon frère. Voici mon frère. Enchanté. Here's my brother. Nice to meet you.